إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc, on va commencer aujourd'hui la reprise des cours qui ont rapport avec les règles du takfir. Et c'est pour remplacer les trois premiers cours dans l'explication de Sharh Nawaqid al-Islam, l'explication des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. On avait fait du livre de Cheikh Saleh al-Fawzan qui expliquait ce sujet très important. Et le sujet du takfir, c'est un sujet très dangereux. C'est un sujet qui est très important aussi pour le musulman, parce que c'est relié avec les fondements de sa foi, les fondements de sa religion. Et en principe, chaque musulman est supposé de savoir qu'est-ce que c'est l'islam, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un entre dans l'islam, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un en sort. Et la raison pour laquelle cette chose-là est importante, c'est parce que, en réalité, c'est relié avec le fait de connaître le centre ou les bases, et le fait de connaître qu'est-ce qu'est la réalité en fait de l'islam. Puisque si quelqu'un ignore qu'est-ce qui fait rentrer dans l'islam et qu'est-ce qui en fait sortir, eh bien il risque d'en sortir sans même le savoir. Et donc c'est important pour qu'un musulman puisse préserver sa foi, puisse préserver sa religion, puisse rester justement dans cet islam avec une foi correcte, et bien c'est important pour lui de connaître la base et les fondements de sa religion, qu'il puisse rester dans cette religion avec une foi et une compréhension et une connaissance, pas seulement en suivant aveuglément qu'est-ce que d'autres personnes ont dit ou bien qu'est-ce que d'autres personnes font, mais avec une compréhension, une connaissance établie sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et aussi, c'est important pour éviter justement de tomber dans les exemples d'extrémisme qui sont apparus dans les siècles à travers l'islam, de la part de certaines sectes ou de certains individus qui ont dévié par rapport aux principes de l'islam à cause de leur ignorance ou à cause de leur passion. Surtout dans la question du takfir, parce qu'on sait qu'un des groupes, parmi les premiers groupes ou les premières sectes qui ont dévié dans l'islam, c'était justement à propos de ce sujet qui est le sujet du takfir. Et on a tous probablement entendu parler de la secte des Khawarij qui fait partie des exemples de ces sectes qui ont dévié. Et c'est la première justement qui a dévié parmi les sectes de l'égarement s'apparente à l'islam, qui se dit musulmane. Donc, ils ont dévié, eux, dans la question du takfir, puisqu'ils ont considéré que toute personne qui commet un grand péché sort de la foi et sort de l'islam. De même que parmi ceux qui ont dévié dans cette question-là, il y a aussi les Mu'tazila, qui ont fait le takfir des musulmans aussi. Mais eux, c'est en disant qu'il y a une catégorie entre les croyants et les mécréants, et qui sont ni croyants ni mécréants en fait. Ils ont inventé qu'est-ce qu'on appelle al-manzila bayn al-manzilatayn, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un grand péché, pour eux, ils considèrent qu'il n'est ni croyant ni mécréant. Toutefois, dans la vie après la mort, lorsqu'ils meurent, ils croient qu'ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent les Khawarij, sur ce point-là. Et le danger des Khawarij, bon, on en a parlé dans plusieurs cours, mais c'est pour faire savoir qu'en fait, le fait qu'ils fassent le takfir de musulmans par rapport à un péché qu'il a commis, eh bien, ça a des implications, puisqu'il déclare par la suite ses biens et son sang licites. Donc, ils se permettent de tuer, et ils se permettent de prendre ses biens, de voler, donc, ça a des répercussions. Et aussi, bien entendu, parmi les exemples aussi de qu'est-ce qu'on a vu apparaître de ces genres de sectes, c'est qu'ils se permettent également de sortir contre les dirigeants musulmans. Et donc, ça crée beaucoup de désordre sur la terre et de l'instabilité politique et toutes sortes d'autres problèmes. Donc, on va commencer tout de suite l'explication du livre qu'on a choisi d'expliquer aujourd'hui. Et c'est tiré d'un des livres du cheikh Mohamed Bazmoul, Mohamed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, qui est un cheikh, un docteur, et qui enseigne à Jami'at Umm al-Qura dans Kuliyat al-Da'wah wa Usul al-Din, Qism al-Kitab wa Sunnah. Et le livre qu'on va lire maintenant, c'est une introduction au sujet des règles du takfir. Donc le cheikh Bazmoul, hafizahullah, il a écrit plusieurs livres sur ce sujet-là pour clarifier ses principes et ses points. Là, on va donc commencer tout de suite d'un livre qui s'appelle Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Takfir wal-Jihad. C'est à la page 47. Il commence ce point-là après avoir expliqué qu'est-ce qui a rapport avec les Mutashabihat. On a déjà commencé à expliquer ce livre-là, mais ça fait partie des livres qu'on a à compléter, inshallah. Donc, cette partie-là, c'est spécifiquement relié aux règles du Takfir. Et il mentionne cette partie-là dans plusieurs livres, mais j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que la mise en page était bien et était très, très bien faite, donc c'était plus clair la façon dont les chapitres et les points étaient divisés. Sinon, il y a le même sujet dans un autre de ces livres qui est le même contenu, exactement le même, sauf que la mise en page est différente. Donc, le cheikh, il commence, muqaddimatun fi ahkam al-takfir, une introduction dans les règles du takfir. Donc, avant de parler des shubuhat ou de toutes les différentes catégories de shubuhat qui existent au sujet du takfir, et avant de rentrer dans les questions qui ont rapport avec nawaqid al-islam, et les éléments qui font que quelqu'un annule son islam, ou bien sort de l'islam, il est important de connaître certains principes et certaines règles qui sont reliées à ce sujet-là. Et en connaissant ces règles et ces principes-là, qui sont des règles et des principes établis par les ulama d'Ahl-Sunnah et Wal-Jama'a, en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, eh bien, ça évite à quelqu'un de tomber justement dans des erreurs de compréhension ou dans des erreurs d'interprétation par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le takfir. Et il y a aussi, bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres catégories de personnes qui ont dévié dans le takfir aussi, c'est les murji'a, c'est l'opposé des khawarij, et eux aussi, ils ont dévié à cause de leur ignorance et de leur passion, et ils sont allés même jusqu'à dire que du moment que quelqu'un dit qu'il a la foi, ou qu'il croit, il pense que la foi, c'est seulement qu'est-ce qui est dans le cœur, puis que les paroles et les actions ne font pas partie de l'islam, ne font pas partie de la foi, puisque les paroles et les actions ne font pas partie de la foi. Donc, pour eux, que quelqu'un fasse quelque chose ou dise quelque chose, ça n'a pas d'effet sur sa foi. C'est seulement ce qu'il dit avec ça. Il y en a qui considèrent que c'est seulement ce qu'il dit avec sa bouche qui compte, et d'autres qui disent que c'est seulement ce qui est dans le cœur. Donc, on peut faire n'importe quoi par la suite, ça ne diminue pas sa foi et ça ne l'affecte pas. Donc ça, c'est un autre extrême. Bon, le cheikh, il a divisé son explication en différents points, puis une petite introduction. Donc le cheikh, il commence par parler du verdict lui-même du takfir. حكم التكفير. تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة حرام. والدليل عليه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم دونك le verdict du takfir. Le cheikh explique que de faire le takfir d'un musulman sans qu'il y ait un élément qui soit kofre ou sans établir la preuve contre lui et sans établir la preuve contre lui par rapport à ce kofre, c'est quelque chose qui est haram. Et la preuve de ça, c'est ce qui a été rapporté dans plusieurs hadiths. Et il rapporte premièrement le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme dit à son frère, « Ô kafir » ou « Ô toi le kafir », alors cette parole revient sur un des deux. Cette parole revient sur un des deux. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et donc le hadith, le numéro c'est 6103. C'est un hadith bien connu. Une autre version de ce hadith, rapportée selon Abdullah ibn Dinar, il dit qu'il a entendu Ibn Omar qui disait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Toute personne qui dit à son frère, ô kafir, alors cette parole retombe sur un des deux. Si la personne qui l'a dit à l'autre, cette description-là, ça s'applique à elle réellement, alors il est tel que la personne l'a dit. Sinon, si cette parole-là ne s'applique pas à lui, alors elle revient sur la personne qui l'a dit. C'est-à-dire, si la personne a dit à quelqu'un d'autre, il y a un kafir, eh bien, soit qu'elle va tomber sur un des deux. Si la personne qui l'a dit à propos de l'autre a dit vrai, et que ça s'applique réellement sur elle, eh bien, cette parole-là, elle s'applique à lui, il est tel que la personne l'a dit. Toutefois, si la personne dit ça à propos de l'autre et que c'est pas vrai et que ça s'applique pas à la personne, eh bien cette parole retourne contre lui en fait. Donc ça montre le danger de prononcer ou de dire à propos de quelqu'un qui est kafir sans preuve et sans avoir établi des preuves. وعن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc un autre hadith qui est apporté selon Thabit ibn Tahak. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par une religion autre que l'islam, de façon mensongère, alors il est tel qu'il l'a dit. Celui qui se tue lui-même en utilisant un instrument ou une arme quelconque, il sera châtié dans l'enfer par cette chose par laquelle il s'est tué dans l'enfer. Et celui qui maudit un croyant, c'est comme s'il l'avait tué. Et celui qui accuse un croyant d'être mécréant ou d'avoir du kufr, c'est comme si il l'avait tué. Et ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari, et le précédent aussi était rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté également par Muslim. Donc c'est des hadiths de la plus haute authenticité dans leur degré. Le cheikh dit ensuite ضوابط التكفير وشروطه. Donc il va parler des règles qui ont rapport avec le takfir et des conditions qui sont reliées au takfir. Donc le cheikh il dit ومن اجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الاحاديث نهى العلماء عن تكفير المسلم وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط أسوق منها بعضها. Donc il dit le cheikh que, étant donné que ce sujet-là est un sujet, yani, étant donné que, yani, qu'est-ce qui mentionné des blâmes très, très graves et des avertissements très graves qui sont mentionnés dans ces hadiths qu'on vient de lire. Les hadiths, les ulama ont interdit de faire le takfir d'un autre muslim et ils ont considéré ça comme étant quelque chose de très grave et de très sérieux et pour éviter que les gens exagèrent tant dans les accusations de takfir de cette façon et de dépasser les limites, ils ont établi certaines règles et certains principes à suivre et à respecter et il dit je vais vous les mentionner ou en mentionner quelques-uns. Donc il commence par le premier, التكفير الضابط الأول التكفير حق الله حق الله تعالى ولرسوله حق لله تعالى ولرسوله ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique que premièrement il faut comprendre que le takfir c'est un droit d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce n'est pas permis de se mettre en avant d'Allah et en avant de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de précéder Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les questions qui ont rapport avec le takfir ou tout autre verdict dans les verdicts de la religion. C'est comme lorsque quelqu'un parle de religion de façon générale aussi, on n'a pas le droit de se mettre devant Allah et son messager. Quand on parle de religion, quand on fait des fatwas ou des choses comme ça, on n'a pas le droit de le faire sans science et on n'a pas le droit non plus de le faire en se mettant en avant des preuves, en devançant les preuves. En se mettant en avant comme si on donne notre opinion et on place notre opinion personnelle ou nos jugements personnels devant les preuves du Coran et de la Sunna. Donc c'est ça ce que ça signifie ici. Et le cheikh il mentionne le verset 1 dans Surat Al-Hujurat et ce verset là est une preuve de ça. Le verset dit oh, vous qui avez cru, ne précédez pas, ne vous mettez pas devant Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah est certes audient et omniscient. Donc, le cheikh, il dit qu'on n'a pas le droit de déclarer ou de faire le takfir dans une question ou bien sur un individu, excepté que ce soit, à condition que ce soit établi sur une preuve du Coran et de la Sunna. Donc, c'est pas une personne ou un individu qui décide qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui n'est pas kufr, ou qui est kafir et qui n'est pas kafir, mais c'est Allah qui décide, et c'est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui décide. Et le jugement dans ces questions-là revient à Allah et à son messager, c'est-à-dire aussi, ça revient au Coran et à la Sunna de déterminer qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qui est kafir et qui ne l'est pas. Et ça aussi c'est important du fait qu'il y a certains individus parmi les des exemples que j'ai entendus de la part de certains même de certains musulmans de individus parmi les musulmans qui se disent laïcs parfois et qui parlent de par exemple qu'est-ce qu'ils mentionnent comme une fois j'ai fait une réfutation d'une femme qui se dit laïque et elle prétend qu'elle est musulmane en même temps et cette femme-là disait que dans l'islam, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de clergé, et donc personne ne peut excommunier. Elle a utilisé le terme excommunié, et on sait que excommunié, c'est un terme chrétien qui n'a rien à voir avec l'islam, mais elle a utilisé ça comme terme. Et donc elle disait que personne ne peut excommunier une autre personne parce qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam. Et donc, c'est juste pour expliquer en même temps que le verdict du takfir, c'est quelque chose qui appartient à Allah et à son messager. Et que c'est pas que ça veut dire que c'est interdit ou impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit déclaré comme étant kafir. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui doit être établi sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est vrai que dans l'islam, il n'y a pas de clergé comme dans le christianisme, avec une hiérarchie et quelque chose de déterminé et un chef, et etc. Mais il y a quand même des ulama dans l'islam, et c'est à ces ulama-là qu'on retourne pour justement connaître les principes de cette religion-là. Et c'est eux qui, avec la connaissance qu'ils ont et la compréhension qu'ils ont des principes de l'islam, c'est eux qui sont capables de savoir quand est-ce que quelqu'un a contredit le Coran et la Sunna dans les fondements et quand est-ce qu'il est qu'il est sorti justement des limites de l'islam. Donc certaines personnes parmi ces gens-là ont la mauvaise compréhension par rapport à ce principe-là et ils s'imaginent que personne ne peut dire à propos d'une autre qu'elle est mécréante, et ça c'est faux, mais il y a des conditions. Comme par exemple aussi, il y en a qui considèrent même que si quelqu'un va dire d'un chrétien ou d'un juif ou d'un athée que c'est un mécréant ou un kafir, ils vont dire « Ah, mais lui, c'est un takfir ou il fait le takfir. » Et ça, c'est des choses qui sont fondamentales dans l'islam. C'est-à-dire que ça fait même partie des choses qui même peuvent annuler l'islam de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est un kafir de base, hein, et qu'il est il n'a jamais été musulman de sa vie, il est né dans une famille non musulmane, et que toi tu viens et que tu doutes de sa mécréance ou que tu refuses de dire qu'il est mécréant, eh bien, les savants ont dit dans ce cas-là que une personne qui refuse de déclarer une autre personne qui est mécréante comme juif ou chrétien ou autre comme étant kafir, celui qui refuse de le déclarer mécréant ou qui doute de sa mécréance, eh bien c'est lui-même qui est mécréant aussi. Donc il est calculé parmi ceux qui ont une mécréance aussi, parce que tu ne peux pas refuser de déclarer quelqu'un comme ça, comme étant kafir, puisque c'est clair, sa mécréance elle est claire, hein, et elle est déclarée dans le Coran de façon explicite. Et tu ne peux pas douter non plus, puisque si tu as des doutes en ça, ça veut dire que tu as un problème dans ta foi à toi-même. Il y a quelque chose dans les bases de l'islam, du tawhid et des fondements de l'islam que tu n'as pas compris, qui fait que tu doutes de sa mécréance. Hein? Donc c'est pour ça. Donc le cheikh il dit que le takfir peut être fait sur une personne, mais on n'a pas le droit de le faire excepté si c'est établi sur une preuve du Coran et de la Sunna. Et il dit fala yukfar bi ma'siyah, fala yukfar bi ma'siyah wala dhanb wala bi mujarrad bughd aw karahiyah aw li shahwah aw li shubhah, la budda min dalil shar'i wa hujja wa burhan, li anna man kaffara musliman faqad kafar. Donc il explique ici que il faut absolument que lorsque quelqu'un fasse le takfir, il faut qu'il y ait une preuve. On n'a pas le droit de faire le takfir de quelqu'un par rapport à un péché. On n'a pas le droit de faire le takfir de quelqu'un parce qu'il a commis un péché, par exemple. On se base juste sur ça. Ou bien juste parce qu'on a une colère ou une haine. Ou bien parce qu'on a une passion ou un désir. Ou bien parce qu'on a une ambiguïté, quelque chose qu'on a mal compris. Ou des choses comme ça. Non, il faut que ce soit basé sur quelque chose qui est une preuve dans la charia et une évidence, quelque chose de clair. Parce que celui qui déclare un autre kafir, le cheikh dit, parce que celui qui déclare un musulman kafir, alors il a commis un kufr lui-même. Et le cheikh il dit, comme point numéro 2, an al kufra nou'an, il y a deux sortes de kufr. Ça c'est le principe numéro 2. Kufrun asghar la yukhriju min al milla wa kufrun akbar yukhriju min al milla wa sahibuhu tarikun li dinihi mufariqun lil jama'ah wa huwa al murtad. Donc le cheikh dit qu'il y a deux catégories de kufr. Il y a le kufr mineur qui ne fait pas sortir de la religion. C'est-à-dire quand quelqu'un le commet, il ne sort pas de la religion, parce que c'est un kufr mineur, ça, c'est considéré comme un parmi les grands péchés, mais ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de la religion. Et la deuxième catégorie de kufr, c'est le kufr akbar, un kufr majeur, qui fait sortir de la religion. Et la personne qui a un kufr majeur, eh bien, c'est celle-là qu'on considère comme une personne ayant quitté l'islam et qui s'est séparée des musulmans, et c'est lui qu'on considère comme étant un apostat. Ensuite, il dit « وَقَدْ جَاءَ أَحَادِثٍ كَثِيرًا وَصَفَ بِهَا بَعْضَ الْأَعْمَالِ أَنَّهَا كُفْرٌ وَوُصِفَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ بِأَنَّهَا كُفْرٌ وَقَدْ يَفْعَلُهَا الْمُسْلِمُ فَتَكُونُ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً وَلَا يَخْرُجْ بِهَا مِنَ الْمِلَّةِ » Donc, des fois, il y a des gens qui posent la question et qui disent sur quoi ça se base, cette distinction ou cette division entre le kufr majeur et le kufr mineur. C'est quoi la preuve? Donc, le cheikh, il explique, il dit qu'il y a plusieurs hadiths qui mentionnent certaines actions comme étant kufr, et qui mentionnent que si quelqu'un les commet, eh bien, c'est comme s'il a commis quelque chose qui est kufr. Et c'est possible qu'un musulman fasse ces actions-là, mais c'est considéré comme un grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le cheikh, il va mentionner des exemples de ça. Et il y en a plusieurs exemples, plusieurs preuves que les ulama mentionnent dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, quand on va lire ensemble ces versets-là et ces hadiths, on va comprendre sur quoi les savants se basent pour établir cette distinction-là. Puis en même temps, on saura comment répondre à ceux qui ont des ambiguïtés par rapport à cette question. Le cheikh dit « وَمِنَ النُّصُوصَ الَّتِي وَصَفَ فِيهَا وَوُصِفَ فِيهَا فَاعِلُ بَعْدِ الْأَعْمَالِ بِالْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ أَوْ أَنَّ فِيهِ جَاهِلِيَّةِ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والناحية على الميت وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وعن المعور ابن سويد قال لقيت أبا ذر في الربذ وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وعن أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة نعم لكم أتخذ جسد في حديث. Le premier hadith que le cheikh il mentionne, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjat al-Wada, lorsqu'il a dit aux gens ne redevenez pas comme les kuffars précédemment, qui se frappaient les coups les uns des autres, qui se tuaient les uns les autres. Donc, ne redevenez pas comme les kuffars après moi, qui se tuaient les uns les autres. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est rapporté également par Muslim. Donc, dans ce hadith-là, ça ne veut pas dire que quand le prophète s'en dit ne redevenez pas kuffar après moi en vous tuant les uns les autres, ça ne veut pas dire que le fait de se tuer les uns les autres ou le fait qu'ils se combattent, par exemple, qu'ils vont devenir mécréants à cause de ça. Hein? Parce que le fait de combattre, de se combattre entre nous ou de se tuer entre nous, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va quitter l'islam. Il y a plein de preuves de ça. Comme par exemple le verset dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique justement: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran que si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors de faire la réconciliation entre les deux. Hein? Et si un transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revient, alors faites la réconciliation entre les deux en toute justice. Et soyez justes, Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères, alors faites la réconciliation entre vos frères. Et donc ça c'est pour dire que le fait de se combattre, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a quand même appelé les gens qui se combattaient entre eux parmi les croyants comme étant des croyants. Hein? Il n'a pas dit que parce qu'ils se combattaient que c'était des mécréants. Donc c'est la preuve que quand on parle ici de kuffar, c'est-à-dire, ne faites pas cette action-là, qui est une action des kuffar, mais ça ne veut pas dire que si tu le fais, tu vas nécessairement être un kafir toi-même. Hein? Ça veut seulement dire que c'est une action qui est grave, qui est dangereuse, et qui ressemble à l'action des kuffar, hein? Parce que c'est les kuffar qui agissent comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu le fais, tu vas être nécessairement un kafir. Mais c'est un grand péché. Hein? Ou bien ici, un autre hadith qui est rapporté, selon Abi Huraira, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: si un homme dit à un autre homme, ô mécréant, ô kafir, alors cette parole revient sur un des deux. C'est-à-dire, si un musulman dit ça à un autre musulman, et que, l'autre il dit ça à l'autre, eh bien, ça revient sur un de ces deux-là. Selon Abi Huraira, un autre hadith aussi, qui dit que il y a deux catégories des musulmans ou des gens parmi les musulmans qui ont en eux-mêmes, il y en a deux caractéristiques, qui ont deux caractéristiques parmi les caractéristiques qu'ils ont, qui sont kufr. Il y a deux catégories de personnes qui ont en eux-mêmes une description, quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qui est des caractéristiques des kuffar, qui est kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé comme étant kufr. Et il a dit, ces caractéristiques-là, c'est quoi? At-ta'nu fi an-nasab, c'est-à-dire le fait de porter atteinte à la généalogie de quelqu'un ou à ses origines, et le fait de se lamenter sur les morts, hein, le fait de faire des lamentations sur les morts. Hein. Donc ça, c'est des exemples de descriptions qui font partie des descriptions des caractéristiques de la jahiliya, hein, de la période pré-islamique. Et c'est quelque chose qui a été qualifié par le prophète comme étant kufr. Ça ne veut pas dire que celui qui le fait, il est kafir et qu'il sort de l'islam. Ça, c'est important de le comprendre. Un autre hadith selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par autre que Allah, alors il a commis un shirk. Il a fait qu'est-ce qui est shirk. Et on sait bien sûr que le fait de jurer par autre que Allah, c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, hein, c'est un shirk mineur. Et un autre hadith qui est rapporté selon Al-Mu'war ibn Suwayd, il dit: j'ai rencontré Abu Dharr à un endroit et il avait un vêtement sur lui et son esclave avait le même vêtement que lui. Alors il lui a demandé: comment ça se fait que vous avez tous les deux les mêmes vêtements, que ton esclave ou ton serviteur porte les mêmes vêtements que toi? Il a dit: j'ai insulté un homme en l'insultant par son origine ou par l'origine de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, « Oh Abu Dharr, est-ce que tu l'as insulté à cause de sa mère, ou de l'origine de sa mère ?» Sache que tu es une personne en laquelle il y a de la jahiliya, hein, de l'ignorance, des caractéristiques de l'après-islam, hein, de qu'est-ce qui se passait avant l'islam. Donc ça a eu un impact sur lui. Lorsque le prophète Sansam lui a dit ça, il s'est senti mal et il a voulu corriger sa personne, hein, changer sa personne. C'est comme ça qu'étaient les sahaba. Aussitôt qu'ils entendaient quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient de le changer. S'il y avait un défaut en eux-mêmes, ils essayaient tout de suite de faire des réparations, de faire des corrections de leur personne. Ils n'attendaient pas, hein, ils n'attendaient pas plus tard pour dire « je vais changer après ». Mais ils essayaient tout de suite de faire le changement pour devenir meilleur. Et donc, il a tout de suite fait la correction. Et parmi les exemples de ça, c'est que il ne faisait pas de distinction entre lui et ses esclaves ou ses serviteurs. Il leur faisait porter les mêmes vêtements que lui. Et il a dit même à la suite du hadith, ce sont vos frères, c'est-à-dire les serviteurs que vous avez qui sont des musulmans, ce sont vos frères, Allah les a mis sous votre main, c'est-à-dire les a mis à votre service. Alors, si l'un d'entre vous a à son service un de ses frères, alors qu'il lui fasse manger de ce qu'il mange, et qu'il lui fasse porter de ce qu'il porte, et ne leur faites pas porter une charge qui va les écraser, hein? C'est-à-dire ne leur faites pas porter une charge trop lourde. Et si vous leur demandez de faire quelque chose, alors aidez-les dans cette tâche, hein? Donc ça fait partie des enseignements yani de l'islam, d'avoir yani de la miséricorde envers les serviteurs et les esclaves et ainsi de suite, et même de leur faire porter les mêmes vêtements que nous, de ne pas les dénigrer ou de les rabaisser. Donc ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari aussi, et il est rapporté également par Muslim. وعن أبي مالك الأشعري. Donc, le point qu'on voulait tirer de ce hadith-là, par rapport à celui qu'on vient juste de lire, c'est par rapport à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Abu Dharr qu'il avait en lui-même de la jahiliya. Et la jahiliya, c'est qu'est-ce qui est blâmable, hein? Et en général, c'est quelque chose qui est, hein, qui pour désigner qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est kufr ou qu'est-ce qui est shirk. Mais ça ne veut pas dire qu'on décrit quelqu'un comme ayant en lui-même de la jahiliya qu'il est kafir ou qu'il est sorti de l'islam. Et c'est ça le point, l'argument qui est tiré de ce hadith. Puisque Abu Dharr est un musulman, hein, et un des sahaba, et un parmi les meilleurs d'entre les sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit avec cette appellation de jahiliya. C'est pour montrer que quelqu'un peut avoir en lui cette description-là ou ces caractéristiques-là sans nécessairement sortir de l'islam. Comme le hadith qu'on va lire maintenant, qui est le hadith de Abu Malik al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a quatre caractéristiques dans ma umma qui font partie de la jahiliya et que les gens ne vont pas délaisser complètement. La première, c'est al-fakhru fil-ahsab. La deuxième, c'est al-ta'nu fil-ansab. La troisième, c'est al-istisqa'u bin-nujum. Et la quatrième, c'est al-niyaha. Il dit, donc, que c'est rapporté par Abu Malik al-Ash'ari qui a dit que le professeur Samadhi a quatre caractéristiques de la jahiliya que les gens ne vont pas délaisser. La première, c'est le fait de rechercher la fierté dans ses. Dans son rang, dans son statut social, dans sa position, dans son origine, le fait qu'on est noble, des choses comme ça, de se vanter de ça. Ou bien, c'est-à-dire d'insulter les gens par rapport à leur origine, ou par rapport à leur généalogie, ou par rapport à يعني leur classe sociale ou des choses comme ça, de rabaisser les gens de cette façon. Ça, ça fait partie de la jahiliya aussi. Le troisième, c'est al-istisqa bin nujum, c'est-à-dire, c'est des formes de shirk mineurs, comme par exemple le fait d'attribuer la pluie aux étoiles, par exemple. Ça, ça fait partie des paroles que les gens disent, sans nécessairement y croire. Hein, mais ils le prononcent, et ça, ça fait partie des formes de shirk asrar, des formes de shirk mineurs. Et dans certains cas, ça peut être majeur aussi, dans certains exemples, mais sinon, les gens ils disent souvent ça sans même nécessairement y croire, et c'est pour ça que ça fait partie des formes de shirk de la parole. Et si vous retournez aux charges de Kitab al-Tawhid, il y a un chapitre à ce sujet-là. Et an-niyaha, c'est le fait de se lamenter, de faire des lamentations lorsque quelqu'un meurt. Hein? Et à l'époque, même à l'époque avant l'islam, et même dans plusieurs peuples aussi, il y avait des gens qui, lorsque quelqu'un meurt, sont des spécialistes pour pleurer ou pour se lamenter parmi les femmes, et on les payait pour venir pleurer dans leur funérailles. Hein? On les payait pour ça, et ça faisait partie des traditions des gens. Et l'islam est venu interdire ça. Il dit وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. C'est rapporté par Muslim. C'est un hadith qui dit que la personne qui fait des lamentations, si elle ne s'est pas repentie avant sa mort, elle va être ressuscitée au jour de la résurrection avec un vêtement de goudron et avec une robe de gale. Avec une robe de gale. C'est rapporté par l'imam Muslim dans Kitab al-Janaiz. Et il dit ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن. Donc ça c'est une autre catégorie. Donc il faut comprendre en fait que c'est qu'est-ce qui est shirk ou kufr asghar, qu'est-ce qui est shirk mineur ou kufr mineur, ou qu'est-ce qui est décrit comme étant jahiliya. Une des raisons pour lesquelles on peut comprendre que ces choses-là ne sont pas des kufr majeurs, c'est parce que il y a d'autres preuves dans les textes qui montrent que ces choses-là ne font pas sortir de l'islam. Comme le premier exemple qu'on vous a mentionné, c'est le hadith qui disait « Ne redevenez pas mécréants après moi, ne redevenez pas comme des mécréants après moi en vous tuant les uns les autres. » Ça, c'est la preuve que yani, le prophète a décrit ceux qui faisaient ça comme étant des kuffars. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Mais en même temps, il y a des preuves dans les versets dans le Coran et dans d'autres hadiths qui mentionnent que ça, c'est pas quelque chose qui fait nécessairement sortir de l'islam. Donc on en déduit par ça que c'est une forme de kuf qui est mineure. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, il dit ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن. Donc ça c'est une autre catégorie de textes aussi qui sont parfois mal compris de la part de certains. Et yani c'est les hadiths qui mentionnent que certaines actions, lorsque quelqu'un les fait, il n'est pas croyant. Donc il y en a qui ont compris ces hadiths-là et ils ont pensé que ça voulait dire que la personne n'a pas de foi du tout, c'est-à-dire pour eux, ils pensent que la personne devient mécréante et sort de l'islam, ou qu'elle n'a plus de foi du tout. Et ce n'est pas ce que signifie en fait ce hadith-là, ces hadiths-là, parce qu'il y en a plusieurs. Et le cheikh, il en cite plusieurs comme exemple. Il dit « وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بواقيه بواقيه بوا بوايقه لا يأمن جاره بوايقه. Donc, c'est un hadith qui mentionne, selon Shuraïch, que le prophète Sam a dit, il a juré trois fois. Il a dit, par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Donc, il a juré trois fois qu'il n'est pas croyant. Et on a demandé au messager, Ya messager, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, de qui parles-tu, hein? Qui est-ce qui n'est pas croyant? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui n'épargne pas ou n'épargne pas de son voisin, n'épargne pas son voisin de ses nuisances, hein, ou du mal qu'il a en lui-même, des choses comme ça, du mal qu'il fait dans ce sens-là, c'est-à-dire celui qui fait du tort à son voisin, il n'est pas croyant. Et bien entendu, le fait de faire du tort à son voisin, c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés dans l'islam. Mais est-ce que ça veut dire que la personne devient kafir et qu'il sort de la foi complètement? Non. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ces exemples-là, c'est pour montrer la gravité du péché. Hein? Donc, ensuite, il dit, « An Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yazni al-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم. Donc, oui, le cheikh il dit ensuite. Donc, il donne l'exemple du hadith qui est rapporté sur Abi Huraira, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le zina, il n'est pas croyant alors qu'il le fait. Et celui qui boit l'alcool, il n'est pas croyant alors qu'il est en train de boire l'alcool. Et il dit ensuite, et celui qui vole, il n'est pas croyant alors qu'il vole. Et non, donc, et la fin du hadith, donc, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني comment on dit ça en français, c'est comme celui qui prend les biens des autres, celui qui prend les biens des autres, mais sans nécessairement le voleur. La différence, le voleur, c'est celui qui vole quelque chose sans que les gens s'aperçoivent, hein? Ou bien en l'absence des gens, il prend leur propriété ou leur possession. Tandis que celui qui prend les choses sur les gens par force, hein? Il leur vole leurs biens, mais en leur enlevant directement par force. Il ne fait pas ça subtilement ou en se cachant. Il vient à quelqu'un, puis il le prend, puis il lui enlève. Donc c'est ça ce que, je crois que la fin, c'est ça ce que ça signifie. Que celui qui fait ça, il n'est pas incroyable. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ça aussi c'est un autre hadith comme ça. Que le prophète Sam a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, est-ce que ce hadith-là, ça veut dire que si quelqu'un, il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il sort de l'islam, il devient mécréant? Hein? Bien sûr que non. Donc, on va voir les détails de ça. Un autre exemple aussi de ce genre de hadith, an Abi Shuraih, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن jaruhu bawayiqahu. Ça, c'est le même hadith que celui qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit wa min an-nusus allati ja'a fiha dhikru a'mal wusifa fa'iluha bi anna fihi khislatun min an-nifaq. Donc il y a d'autres textes dans la charia, dans la sunna, qui montrent que certains péchés ou certaines actions, celui qui les fait, il est décrit comme ayant en lui-même une forme d'hypocrisie, hein, de nifaq. Donc le hadith, le cheikh il a mentionné deux hadiths. Le premier c'est an Abdullah ibn Amr أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Donc le premier hadith s'est rapporté selon Abdullah ibn Amr que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y a quatre caractéristiques. Celui qui les possède, les quatre, il est un pur hypocrite. Et celui qui en possède une caractéristique d'entre elles, eh bien, c'est une caractéristique de l'hypocrite qu'il a jusqu'à ce qu'il l'abandonne, jusqu'à ce qu'il la laisse. La première caractéristique parmi les quatre, c'est que lorsqu'on lui donne, on lui confie un dépôt, eh bien, il n'est pas... Il ne garde pas son engagement. Donc, il trahit son engagement. Il trahit le dépôt qu'on lui a donné. La deuxième catégorie, il a haddatha kadab. C'est-à-dire que s'il parle, il ment. S'il parle, il ment. Wa iza ahada ghadar. S'il donne une promesse, hein, il prend un serment, eh bien, il trahit son serment. Hein? Il donne un serment qu'il doit faire quelque chose. Il trahit son serment. Wa iza khasama fajar. Donc, s'il a une dispute avec quelqu'un, eh bien, il va yani, être injuste, ou bien il va être... pervers, il va dire des mauvaises paroles ou des choses comme ça, il va mal agir. Ça, c'est les caractéristiques qui font partie des caractéristiques de l'hypocrite. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un fait ça, il est kafir ou qu'il est munafiq, il sort de l'islam? Non. Hein? Sauf qu'il est parmi les gens qui ont ces caractéristiques-là, c'est des grands péchés. D'accord? Et un autre hadith aussi, an Abi Huraira, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. Donc c'est un hadith qui mentionne selon Abi Huraira رضي الله عنه qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui meurt et qui n'a pas combattu et qui ne s'est pas donné, il n'a pas pensé en lui-même justement à combattre ou à faire le djihad, hein, il n'a pas combattu, il n'a pas eu l'intention non plus de le faire en lui-même, ou il n'y a pas pensé, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. Donc yani, c'est pour montrer que quelqu'un peut avoir en lui-même des branches de l'hypocrisie sans nécessairement être un munafiq, un vrai munafiq qui est kafir, hein? C'est-à-dire tu peux avoir en toi des branches de shirk ou des branches de kufr ou des branches de nifaq sans être nécessairement un mushrik ou un kafir ou un munafiq, hein? Mais tu as des caractéristiques. Ça, c'est pour montrer que c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam complètement, hein? C'est des grands péchés. Et c'est pour montrer la gravité de ces péchés-là. وَمِنَ النُّسُوسَ الَّتِي جَاءَ فِيهَا وَصْفُ فَاعِلِ بَعْضَ الْأَعْمَالِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il rapporte, c'est rapporté que Abdullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues et celui qui déchire ses vêtements et qui appelle par l'appel de la jahiliya, l'appel de la pré-islam, période pré-islamique. Donc ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans, il n'est pas des nôtres. C'est comme un désaveu. C'est comme un désaveu. Et c'est pour dire en fait que يعني ليس منا. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas des nôtres? Ça veut dire qu'il n'est pas musulman? Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir, il sort de l'islam pour avoir fait ça? Non. Et on va voir les détails là-dessus. Il dit ensuite: وعن ابي هريره pardon, وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend une arme contre nous, il n'est pas des nôtres. Ça c'est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et le précédent également. Et il est rapporté aussi par l'imam Muslim. Donc les deux sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a un autre hadith aussi dans ce sens-là. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: يا رسول الله، قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. Donc c'est rapporté selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait dans le marché. Il est passé dans le marché et il a vu comme un contenant ou un sac avec des grains ou de la nourriture dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa main à l'intérieur du sac pour voir. Et il a trouvé au fond du sac, comme s'il a rentré sa main dans le sac, et à l'intérieur, c'était mouillé. À l'intérieur du sac, c'était mouillé, comme si les grains, au fond, étaient pas secs. Ils étaient comme trempés, mouillés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô toi qui vends la nourriture, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que c'est les grains à l'intérieur, en dessous, sont mouillés? Et la personne a répondu au messager d'Allah: la pluie est tombée dessus. Alors j'ai mis les grains, comme s'il a mis les grains secs par-dessus pour cacher que les grains en dessous étaient mouillés. Alors le prophète sallam a dit: pourquoi tu n'as pas mis ces grains mouillés là au-dessus pour que les gens le voient? Celui qui nous triche, qui n'est pas honnête avec nous, qui triche avec nous, il n'est pas de moi. Donc c'est pour dire, le prophète sallam se désavoue de celui qui trahit ou trompe les autres et triche avec les autres dans les transactions, dans le commerce ou dans d'autres domaines. Donc on doit être honnête dans le commerce. On n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit de tricher les autres et de leur mentir pour vendre des choses. Donc ça, c'est des enseignements islamiques. Et donc, qu'est-ce que signifie le fait de dire, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: il n'est pas de moi, il n'est pas des nôtres? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le cheikh dit: فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء بل هو من أهل الوعيد. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il explique, il dit ces hadiths là veulent dire que celui qui fait ces péchés-là, il ne mérite pas le mot, il ne mérite pas le nom absolu de la foi. Mais il est un croyant pécheur. Et il est un croyant qui a la foi faible. Donc c'est là, c'est ça la question, hein, sur laquelle des gens ont dévié. Parmi les Khawarij et les Mu'tazila, eux, ils ont dit, si quelqu'un a ces caractéristiques-là, ça veut dire qu'il est kafir, il sort de l'islam. Et il se base sur ces hadiths. Parce qu'ils n'ont pas compris les hadiths, ces hadiths-là correctement. Ils pensent que, du moment que tu as ces péchés-là, automatiquement tu sors de la foi. Et les ulama d'Ahl Sunnah, eux, ils ont compris le vrai sens de ces hadiths. Et c'est que, en fait, quelqu'un, quand il a un de ces péchés-là, il sort du sens absolu de la signification de la foi. C'est-à-dire, il n'a pas une foi qui est complète. Mais ça ne veut pas dire que sa foi est nulle. Sa foi, elle est là, mais elle est faible, ou elle est diminuée. Donc, on ne l'appelle pas un croyant tout court. On va l'appeler croyant, mais en même temps, on va dire qu'il est pécheur. Donc, c'est un croyant, mais il est pécheur. C'est un croyant qui a une foi faible. Hein? Donc, il ne fait pas partie des croyants qui ont été glorifiés et promis d'entrer directement au paradis. Hein? C'est des croyants, mais qui font partie des gens qui sont menacés par le châtiment. Ils sont sous la menace du châtiment. Mais ce sont des croyants. Et le cheikh il mentionne, il dit « وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَ الْقَاسِمِ الْمُسَلَّمِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَذَكَرَ تَأْوِيلَاتِ النَّاسِ لَهَا وَلَمْ يَرْتَضِي مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ. Donc le cheikh il mentionne que l'imam Abu Ubaid al-Qasim al-Musallam rahimahullah, qui fait partie d'un des grands imams parmi les imams de Ahlus Sunnah, un des grands imams parmi les imams des salaf, dans un de ses livres, il a rapporté les quatre catégories de hadith qu'on vient de mentionner, et il a mentionné les différentes interprétations des groupes ou des gens à propos de ces hadiths-là, et il n'a agréé que celles qu'on a mentionnées précédemment, qu'on vient juste d'expliquer. C'est la seule explication qu'il a agréée. Et il a, le cheikh, il cite les paroles de Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah. Il dit, فهذه أربعة أنواع من الحديث وقد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة وثانية تحملها على التغليظ والترهيب وثالثة تجعلها كفر أهل الردة ورابعة تذهب كلها وتردها تذهبها كلها وتردها فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترط عليهم في مواضع من كتابه. Donc le cheikh il mentionne, Al-Qasim ibn Sallam, il mentionne que ces quatre catégories de hadith, les gens sont divisés en quatre catégories dans leurs interprétations par rapport à ces hadiths-là. Un groupe a interprété ces hadiths-là comme étant le kouf de ça veut dire l'ingratitude. Ils ont interprété cette catégorie de kufr comme étant le fait de renier la grâce d'Allah, donc de faire preuve d'ingratitude, de ne pas remercier Allah pour ses grâces. La deuxième catégorie, ils l'ont interprété comme étant des hadiths qui sont là pour montrer la gravité puis pour faire peur seulement, hein, pour éloigner les gens de ces péchés-là. La troisième catégorie de personnes ont interprété ça comme étant le kufr qui fait sortir de l'islam, le kufr des gens de l'apostasie. Et le quatrième groupe, on dit, la quatrième catégorie, c'est ceux qui les ont rejetés, ils ont tous rejeté. Et ils ont rejeté tous ces hadiths. ou bien qu'ils disent que ça fait sortir toute la foi. Qu'il ne reste plus de foi ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que je comprends ici. Riwaya wa rabi'a tudhibuha kullaha. Il dit que toutes ces interprétations-là sont rejetées. Elles ne sont pas acceptées. Parce qu'il y a dedans des défaillances et de la corruption dans ces interprétations-là. Et il dit, la seule qui est valable pour nous dans ce domaine, dans ce chapitre, c'est la suivante. Que les péchés et les désobéissances ne font pas enlever la foi complètement. C'est-à-dire elle n'élimine pas complètement la foi. Et elle n'implique pas une mécréance, c'est-à-dire elle n'implique pas que quelqu'un a quitté complètement la foi. Il dit que c'est quelque chose qui, en réalité, ne fait que nier la foi dans sa réalité et dans sa perfection, dans sa pureté. Hein, la foi de laquelle, la foi réelle ou complète que Allah a attribuée aux croyants dans les versets et pour lequel il a établit les conditions dans différents endroits de son livre. C'est-à-dire que ces hadiths-là viennent nier la perfection de la foi, la réalité de la foi des gens qui sont déclarés dans le Coran comme étant ceux qui vont faire partie des gens du paradis directement, ou des gens qui font partie des croyants dans la révélation. Mais ils n'ont pas perdu la foi entièrement. C'est juste que leur foi, elle est faible, elle est diminuée. Et le cheikh dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَاسْمُ الْإِيمَانِ غَيْرَ زَائِلٍ عَنْهُ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالإثم Donc le cheikh il explique, parce qu'on lui on a si quelqu'un pose la question, comment peut-on dire à quelqu'un qu'il n'est pas croyant, dire de quelqu'un qu'il n'est pas croyant, puis ensuite dire que la foi elle n'est pas complètement enlevée, hein, il n'a pas complètement perdu la foi, hein, parce que dans les hadiths c'est mentionné que telle personne ou celui qui fait telle action, il n'est pas croyant. Donc, comment on peut dire ça, puis ensuite dire qu'il n'a pas complètement perdu la foi? Sa foi, il a encore la foi, mais elle est diminuée. Comment on peut dire ça? Et le cheikh, il répond, il dit ça vient de la façon dont les Arabes s'expriment. C'est-à-dire, dans la langue arabe, c'est des choses comme ça, ça se dit. Hein, et c'est normal. Ça fait partie de la façon dont le langage arabe fonctionne. Et c'est comme ça, quand les Arabes entendent ce genre de paroles, ils comprennent tout de suite que ça ne veut pas dire la négation complète de la foi, par exemple. Il donne l'exemple, il dit que, il dit comme par exemple, من غير المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عمله. Donc, il dit que dans la langue arabe, par exemple, c'est connu, on peut dire à propos de quelqu'un qui ne fait pas un travail bien, que c'est comme s'il l'avait pas fait. et dit, ne vois-tu pas que à propos de quelqu'un qui fabrique quelque chose ou qui est un artisan par exemple, mais qu'il ne fait pas un bon travail, on va dire, ah, t'as rien fait. Cette action-là, c'est comme si t'avais rien fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait le travail, mais ça veut dire qu'il ne l'a pas fait comme il faut ou bien. Et donc, dans le langage arabe, c'est courant de dire à propos de quelqu'un qui ne fait pas quelque chose correctement ou bien, que c'est comme s'il n'avait rien fait. Et donc, ce n'est pas la négation de la chose, de l'action elle-même qui est voulue, mais la négation de sa perfection ou de son perfectionnement. Et donc, فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الاتقان. Donc, il fait l'action en nom, hein, mais dans le fait de maîtriser son travail et de le faire correctement, hein, c'est comme s'il ne le faisait pas. وحتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه ولم يقال مثله في الأخ والزوجة ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنما مذهبهم في هذه المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. Il dit même que ils ont donné des paroles dans la langue les Arabes. C'est-à-dire quand on parle des Arabes, comment ils s'exprimaient à l'époque avant l'islam et même au temps du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça que les Arabes parlaient. Et comment on connaît une langue? Et comment on comprend les expressions des gens qui parlent cette langue? Et comment on comprend la mentalité de ceux qui parlent cette langue? Eh bien, c'est en observant leur langage, en observant leurs expressions et en regardant comment ils utilisent leur langage et les mots comment ils les emploient et dans quel contexte et de quelle manière. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un langage ou une langue. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de l'arabe, on parle de l'arabe comment il était parlé à l'époque du prophète sallam, et on utilise ces compréhensions-là de la langue arabe pour comprendre le sens de la parole d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran dans la langue arabe de cette époque-là. Et donc c'est pour ça que c'est important de retourner à ces exemples et à ces références-là pour arriver à avoir une meilleure compréhension de la révélation. Et ici, il donne des exemples de ça. Et il donne un autre exemple, comme qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport à celui qui ne fait pas bien son travail, on dit de lui que c'est comme s'il n'avait pas fait son travail. Eh bien, la même chose pour quelqu'un qui a des liens de parenté avec quelqu'un, mais qui ne respecte pas les devoirs et les exigences de cette relation-là. Comme par exemple, quelqu'un, il a un homme, il a une mauvaise relation avec son père. Il ne respecte pas son père. Il ne lui obéit pas et il lui fait du mal ou du tort. On dit de lui, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas mon enfant. C'est comme si, ma huwa biwalad, c'est pas un enfant celui-là. Ou il n'est pas mon enfant celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas son enfant. Tout le monde sait que il est sa progéniture, que c'est son fils. Sauf que il agit tellement mal que c'est comme si c'était pas son enfant. Ou bien la même chose peut être dit par rapport au frère ou de l'épouse ou l'esclave ou des choses comme ça. Les gens utilisent ces expressions là. Ah, ils disent au frère par exemple, toi t'es pas mon frère. Ça veut pas dire que c'est pas son frère. Ça veut dire que la façon qu'il agit, c'est comme s'il n'était pas son frère. Il n'agit pas bien avec lui. Donc c'est des exemples. Et l'épouse, c'est la même chose. Donc ce n'est pas pour nier la réalité du lien de fraternité ou du lien de paternité, mais c'est pour montrer que les obligations qui sont reliées à cette relation-là, lorsqu'elles ne sont pas présentes, c'est comme si ça montre qu'il y a une défaillance ou une imperfection ou quelque chose qui n'est pas complet dans cette relation-là parce qu'il n'y a pas l'obéissance qui est reliée, il n'y a pas la bonté hein, et l'obéissance qui est reliée avec. أما النكاح والرق والانساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه وإنما أحبطت الحقائق منه أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته أما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليه وهذه الآثار كلها ما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منا يكون معناه التبرؤ من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المتقدمين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره أيضا donc il donne d'autres exemples aussi وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها فكانت هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما حبطت حقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. Donc là, il parle des exemples qui sont mentionnés dans les hadiths qui parlent des caractéristiques qui ont rapport avec la jahiliya, comment les gens se comportaient probablement, c'est ça qu'il veut dire ici. Et il parle donc du fait que les gens dans la jahiliya, ils avaient des façons de se comporter ou d'agir par rapport à ces choses-là et l'islam est venu annuler les réalités de ces noms-là et donc si quelqu'un par rapport à ces choses-là agit d'une façon qui ressemble à à la manière dont les gens se comportaient dans la jahiliya par rapport à ces éléments-là, eh bien il reste un croyant, sauf qu'il a ces caractéristiques-là qui sont des caractéristiques de la jahiliya. Hein? On va quand même dire d'eux que ce sont des croyants. Hein? Sauf qu'il a ces caractéristiques-là qui sont en contradiction avec qu'est-ce qui est ordonné par l'islam. Donc ils disent ces versets-là, ces hadiths-là plutôt, sont interprétés de la même manière que ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire que c'est pour nier la perfection de la foi, et non pas pour nier la foi elle-même. Il dit « وَكَذَلِكَ الْحَدِيثِ » De même que les hadiths dans lesquels il y a un désaveu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui fait telle ou telle action. Il dit « ça ne veut pas dire qu'il se désavoue de sa religion complètement, mais ça veut dire plutôt que il n'est pas de ceux qui nous obéissent, comme si le prophète Samson, quand il dit, n'est pas des nôtres, c'est-à-dire, il dit, il n'est pas de ceux qui nous obéissent à nos ordres, qui nous obéissent. Ou bien, il n'est pas parmi ceux qui sont les premiers d'entre nous, ou les meilleurs d'entre nous. Ou il n'est pas parmi ceux qui préservent nos règles et nos ordres et nos lois. Nos commandements et des choses de ce genre et ça a été rapporté que Sufyan ibn Uyayna un des salafs il expliquait cette parole laysa minna, il n'est pas des nôtres en disant il n'est pas comme nous et il rapportait cette parole là d'autres personnes d'autres ulama donc c'est pour dire que la personne quand le professeur Sam dit de lui il n'est pas des nôtres ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, ou qu'il n'est pas des musulmans, il ne fait pas partie des musulmans, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il n'est pas parmi les meilleurs d'entre nous, qu'il n'est pas comme nous, hein, ou des choses de ce genre. Donc, c'est quelqu'un qui a des péchés ou qui est pas, sa foi elle n'est pas complète. C'est un pécheur. وهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك وليس النبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل له ومن فعل ذلك من فعل ذلك ولا تاركه فهذا ما في نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. Donc le cheikh lui il a pas été d'accord avec l'expression يعني l'imam Al-Qasim ibn Sallam n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée par Soufiane ibn Uyayna, quand il a dit il n'est pas des nôtres, qu'il n'est pas comme nous, il n'a pas accepté ça parce qu'il a dit que ça voudrait dire que yani, si celui qui fait telle action il n'est pas comme nous, que s'il ne la faisait pas, ça voudrait dire qu'il serait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, ça voudrait dire que si celui qui fait l'action, hein, celui qui ne le fait pas, il serait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a dit, il n'y a pas d'action que si tu le fais ou si tu le fais pas, tu vas être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux jamais arriver au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté ou qu'il n'a pas aimé cette interprétation-là. Et le cheikh, il mentionne que l'imam Ahmad, il a refusé cette interprétation-là pour la même raison. Et c'est mentionné dans Majmu' Fatawa. Le cheikh, il dit, mais il a interprété cette parole de la même manière que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il n'est pas parmi les meilleurs d'entre nous, ou il n'est pas parmi ceux qui obéissent à nos ordres, ou qui préservent nos commandements, ou ainsi de suite. Ensuite, il dit, وَأَمَّا الْأَثَارَ الْمَرْوِيَاتِ بِذِكْرِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَوُجُوبِهِمَا بِالْمَعَاصِ فَإِنَّ مَعْنَاهَا عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفر وعليها الكفار والمشركون وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين أما donc le cheikh dit, en ce qui concerne les hadiths qui mentionnent yani que certains péchés sont kufr ou sont shirk, il dit que ces hadiths là ne signifient pas qu'on doit appliquer ou affirmer à ces gens là qui ont commis ces péchés là le kufr ou le shirk qui annule complètement leur foi, mais seulement les comportements, qu'ils ont les comportements ou les caractéristiques des kuffars et des mushrikins. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des kuffars et des mushrikins. Et ça, c'est un point important aussi. Des fois, quelqu'un, il va dire à une autre personne, ah, la façon dont tu agis comme un kafir. Ou bien, la façon dont tu agis comme les mushrikins. Et la personne, elle prend la parole, elle dit, tu es en train de me traiter de kafir, hein, ou tu es en train de me traiter de mushrik. Non, ça ne veut pas dire que qu'on t'a traité de kafir ou de mushrik, mais ça veut dire qu'on a dit que ta façon d'agir, c'est la façon qui est semblable à celle de ces gens-là. Donc tu as une de leurs caractéristiques. Et c'est ça que signifie ce hadith, ces hadiths-là en fait. Hein? C'est comme si une femme par exemple, elle s'habille comme une prostituée. C'est-à-dire, tu t'habilles comme une prostituée. Est-ce que la personne a le droit de dire par exemple par la suite, ah tu m'as traité de prostituée? Non. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle t'a traité de prostituée, mais elle a dit la façon dont tu t'habilles, Hein? C'est la même manière que s'habillent les femmes qui essaient d'attirer des hommes pour obtenir de l'argent en échange de certains services sexuels. Elles s'habillent d'une façon pour attirer l'attention, pour avoir des clients. Et elle n'est peut-être pas une prostituée, celle qui s'habille comme ça, mais la façon dont elle s'habille, elle donne le même message que ces femmes-là. Hein? Comme si elle s'offre comme une marchandise à des clients. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on l'a traitée qu'elle est comme ça, mais on dit qu'elle agit comme. Et la même chose pour ceux qui font des actes, qui sont les actes des koufars, des mouchriquines. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils sont koufars ou mouchriquines, mais ça veut dire qu'ils ont des actions. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, « La tarji'u ba'di koufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd » que là, ça voulait dire qu'ils sont des koufars. Non, ça voulait dire qu'ils ont des caractéristiques de ceux qui agissent comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le chef? Il donne d'autres exemples. Mais je crois qu'on va s'arrêter pour cet exemple-là, on va s'arrêter ici. Puis on continuera vendredi prochain, inshallah, pour pouvoir bien donner au sujet ce qu'il mérite comme temps, parce que il y a des explications un petit peu plus détaillées maintenant qui vont arriver. Donc, on s'arrête ici, puis on se retrouve vendredi prochain pour la suite de ce cours. Inch'Allah, des règles sur le takfir. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته